Section 6 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 6. L'adjectif. Le nom a un camarade qui lui tient bien souvent compagnie. C'est l'adjectif, appelé ainsi parce qu'il s'ajoute ou s'adjoint au nom pour lui donner sa valeur. Tant vaut l'adjectif, tant vaut le nom. Voici. Maison, par exemple. Si la maison est vieille et sale, c'est une masure. Si elle est petite et gentille, c'est une maisonnette. Si elle est grande et magnifique, c'est un palais. Laquelle aimes-tu le mieux de ces trois maisons-là? Mademoiselle Lily se décide pour la maisonnette, mais elle la veut si gentille, avec tant de chambres pour ses poupées, et un si beau jardin, et des rosiers sur les murs autour des fenêtres, qu'on aurait meilleur marché de lui acheter un palais. Elle a déjà perdu de vue l'adjectif et ne pense plus qu'à construire sa maisonnette. Il faut l'interrompre dans ses combinaisons de bâtisses pour lui apprendre que vieille et sale, petite et gentille, grande et magnifique, sont des adjectifs, tous au féminin, parce que « maison » est un mot féminin. Il y a des gens qui n'ont pas d'opinion et qui sont toujours de l'opinion de leurs voisins. C'est comme cela avec l'adjectif. Il n'a pas de genre à lui et prend toujours le genre du nom auquel il s'ajoute. Tous les adjectifs ont donc un masculin et un féminin et ils passent de l'un à l'autre de bien des manières. Mademoiselle Lily apprendra cela plus tard. Fin de la section 6. Enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.